Dans mon quartier, Riff Cohen, ça nous mène à 8h19 et Patrick Dion est auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Bonjour, j'ai perdu mon titre. Le rédacteur de Cliquer à ben TVC. Oui, ben oui, voilà. Je suis désolé, l'émission. Ben non, ça fait juste drôle, c'est la première fois que ça sort comme ça, alors voilà, je ne suis plus rédacteur en chef. Mais tu es toujours auteur et chroniqueur web par contre. Et une si chouette personne. Et une si chouette personne. On débute ce matin avec un projet photo bouleversant, c'est le mot, bouleversant sur le cancer. Oui, exactement, un site qui va certainement bouleverser justement plusieurs auditeurs et internautes. Il s'agit de « The Battle We Didn't Choose, My Wife's Fight with Breast Cancer ». C'est, hein, faut pas que tu me dises ça avec des biscuits soda dans la bouche. Mais c'est une initiative d'un photographe américain qui s'appelle Angelo Merendino, qui a pris des dizaines de photographes de sa femme Jennifer, qui était atteinte du cancer du sein, pendant les 5 années qu'a duré sa maladie. On suit l'évolution de la maladie à travers les photos. On voit beaucoup d'espoir, les obstacles qu'elle doit surmonter, les joies aussi qu'elle vit, mais aussi la douleur des traitements, parce qu'elle a été traitée pendant 4 ans quand même. Alors, physiquement, on voit les séquelles de ça. Et on voit ça dans des photos qui sont vraiment complètement hallucinantes. Le site en présente à peu près une quarantaine, sont toutes en noir et blanc. Et comme on sait, une image vaut 1000 mots. Hein. C'est vraiment, c'est criant de vérité. Malheureusement, Jennifer, son épouse, est décédée le 22 décembre 2011, mais le photographe a quand même décidé de continuer à perpétuer sa mémoire à travers des expositions qu'il fait maintenant dans les galeries. Il expose d'ailleurs à Washington en ce moment même. Donc, c'est un projet artistique à la base qui est devenu un hommage, finalement. Oui, ben lui, à la base, il est photographe, mais il a décidé vraiment de suivre le parcours de son épouse, entre autres pour faire comprendre aux gens le combat quotidien contre la maladie. Je vais dire une phrase qui explique d'ailleurs sur son site. Mes photos exposent mon quotidien. Elles montrent le défi, la peur, la tristesse et la solitude auxquelles nous faisons face. J'espère que grâce à elle, les gens seront plus empathiques, sincères et attentionnés envers ceux qui font face à cette maladie. Alors, c'est vraiment le but, justement, de cette exposition virtuelle-là. Puis, en clôturant le sujet, on a appris la semaine dernière que mon ex-coéquipier de travail, Dominique Arpin, oui, et ami encore, justement, s'était vu diagnostiquer une tumeur. On ne sait pas encore si c'est cancéreuse ou non, mais une tumeur sur un rein. Alors, peut-être qu'il va se faire enlever un rein. On voit tout de suite que la vie est courte, il faut vraiment s'attacher aux choses importantes. Et oui, et justement, on en parlait il y a à peine une quinzaine de minutes avec Nathalie Lesage. C'est aussi le début aujourd'hui du défi tête rasée. Oui, voilà. Non, mais en parlant de cancer... Oui, tout à fait, okay. C'est un beau lien. Et comme on le disait hors d'onde, c'est moi, je participe à l'année, alors voilà. Oui, effectivement. Un autre projet de l'ONF, on en fait une habitude aux Oranges pressées, de très beaux projets de l'ONF. Pour faire un lien avec le sujet précédent, après les hivers difficiles, viennent les printemps. On parle encore de l'ONF, bien sûr, et encore d'une collaboration avec le journal Le Devoir. Ils ont mis en ligne samedi dernier un essai interactif qui s'intitule « Le printemps d'après ». Le projet a été réalisé par Jérémy Battaglia, qui était aussi derrière le web documentaire 30 électeurs. On a droit cette fois-ci à une espèce de mosaïque interactive géante en son et en images qui nous questionne sur les répercussions et sur ce qui reste du mouvement étudiant du printemps érable. L'essai veut aussi prolonger le débat en donnant la parole à 12 intervenants, qu'ils soient étudiants ou pas, sur ce qui a été fait il y a un an et où nous en sommes aujourd'hui. Encore une fois, le site est vraiment superbement fait. L'ONF nous a habitués à de la qualité. Encore une fois, c'est magnifique comme site. On bascule du passé au présent grâce à une espèce de grande fresque photographique qui compare les lieux du printemps passé avec les mêmes lieux qui ont été photographiés à l'hiver 2013. Donc, on voit les traces qui restent justement du printemps érable dans la rue. L'internaute peut aussi participer en répondant à 140 caractères à la question « Maintenant, où allons-nous? » Puis si on veut s'en mettre encore un petit peu plus derrière la cravache, je suggère aussi d'aller faire un tour sur le site dédié sur le journal Le Devoir, le dossier du journal Le Devoir de samedi dernier. Donc, printemps.onf.ca. Évidemment, exactement, tous les liens mentionnés dans cette chronique seront sur notre page Facebook. Bien sûr. Oranges pressées. Et une petite révolution pour TV5 Monde. Ben, moi, j'adore la chaîne TV5. On y retrouve de merveilleuses émissions. Mais malheureusement, depuis que j'ai plus le câble, parce que moi, je me suis fait couper le cordon, depuis que j'ai plus le câble, j'ai seulement droit aux émissions en rattrapage sur le site vidéo.tv5.ca. Donc, maintenant, signe des temps, TV5 Monde a décidé de lancer une initiative qui va peut-être un petit peu révolutionner le monde de la télévision. Parce qu'elle offre maintenant une partie de son contenu sur ses différentes pages de fans Facebook. Donc, on peut y retrouver des émissions en rattrapage, de la vidéo sur demande et même des événements en direct. En tout, c'est plus de 14 émissions qui sont séparées en trois thèmes différents, musique, francophonie et femmes, et qui sont visibles sur toutes les pages officielles de TV5 Monde. De soi, il y en a à peu près une vingtaine pour 1,2 million de fans, ce qui est quand même énorme. Donc, les fans peuvent d'ailleurs échanger durant l'émission, un peu à la façon de Twitter, mais directement sur la page Facebook. Le clivage. Oui, exactement, mais sur Facebook, c'est pas clair la façon de naviguer entre chaque encore, puis c'est comme un petit peu restreint en tant qu'espace, mais c'est annonciateur de vraiment de belles choses. Est-ce que le mouvement touchera le Québec? On peut se poser la question. Nous, évidemment, on a tout.tv, mais il y a beaucoup de canaux spécialisés qui n'ont pas leurs émissions sur le site web. Bien, en fait, justement, l'avantage avec TV5 Monde, c'est que cette offre-là, elle est géolocalisée, donc il y a des trucs qu'on a accès ici au Québec. On peut voir plusieurs émissions de la chaîne française sur nos pages Facebook, même si on est ici au Québec. Merci beaucoup, Patrick Dion. Merci à toi.